Bientôt dans les bacs, le nouveau premier album de Zorro Zora. Zorro Zora. Emballe de la meuf t'as vu avec des slows intrépides. J'aimerais bien sortir avec lui. Et ça marche. C'était juste une fille qui pour se sentir bien devait dire à un garçon qu'elle se sentait mal. J'étais juste un garçon qui pour se sentir bien écoutait cette fille. Oh mais t'es Sagittaire ! Oh oui. Et pour ceux qui ont pris des râteaux, tu peux te consoler en faisant wesh la fête avec tes amis. Chikungunya. Heureux, et bien on s'en foutait de ne pas être comme eux. Alors qu'on était joyeux, allez être heureux, ils s'en foutaient aussi. Et pour tes amis cultivés, voire dépressifs, des chansons autobiographiques mélancoliques. Nonobstant, vous évoquez donc vos états d'âme de juillet dernier. Putain de centre aéré et les gosses qui sont dedans. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été aussi pesant. Vigilance, emmerdement, courir partout et hurlement. Je croyais que c'était bronzette, les claquettes et de l'argent. Mais le nouveau premier album, c'est aussi pour tous les everybody poupelles de la Vibes, des applaudissements. Des rires. Des guilis. Ah non, arrête. Arrête. Du suspense. Les mecs, vous savez pas ce que j'ai mangé à midi? Des sauts périlleux arrière, les yeux bandés, les mains dans le dos. Oh non, arrête. Pas les mains dans le dos. Le nouveau premier album de Zorro Zora. C'est aussi pour vos enfants, des chansons complètement débiles. Va donc au paradis super, là on peut voler dans l'air. Là on peut nager dans l'eau, quand le soleil il fait beau encore. Oui c'est le paradis super, là on peut voler dans l'air. Là on peut nager dans l'eau, quand le soleil il fait beau. Et pour les copains de vos enfants, des chansons encore plus complètement débiles. On ne dit pas virus, mais le quotidien soviétique. On ne dit pas gospel, mais le petit a pris un coup de soleil. On ne dit pas to be free, mais le docteur a la poêle. On ne dit pas pip-pop et loulap, mais Burke, le canidé se délecte. Biba, le loulap. C'est pas du carambar, c'est de la pure création. Si t'as déjà eu l'impression d'entendre ça quelque part. C'est monsieur carambar qui est plus d'imagination. Il nous a piqué de dictons, oh putain la frustration. Mais aussi des extraits de chansons courtes. L'écureuil. Et pour les plus rêveurs, découvrez un monde merveilleux où les objets inanimés ont bonne mine. Mais je ne suis qu'un stylo plume tout en plastique, vendu par trois, tombé 20 fois sur le carrelage, plume redressée, tant bien que mal avec les ciseaux du voisin. Mélène. Les fans de Didgeridoo, pardon. Les fans de Making of et de Didgeridoo ne seront pas en reste avec le bêtisier. L'écureuil, oh putain, je suis faux les mecs, je suis faux là. L'arrêt du curé, oh non, quand même pas. Et après, le mec, il est tombé par terre. Oh non, énorme la blague. Énorme. Je l'ai vu partir, il était minuit. Oh. Pardon. Allô? Allô? Ah, ça passe pas dans le studio. Mais non, allô, c'est moi, je fais un solo. Oh, il l'a fait tout le temps. Ça. Et après, le mec, là, il retombe par terre. Oh, putain. Énorme. Oh non, c'est pas vrai. Et en bonus, des chansons douces. Quand les gens ne comprennent pas ce que je dis, je répète, mais ça m'énerve. J'articule, je parle plus fort aussi, mais ils ne comprennent pas, tant pis. En fait, j'ai pas compris la blague. Des mises à jour sont disponibles pour votre ordinateur. Veuillez cliquer ici. 12h46. 12h46. Ouais, il est tombé par terre. 12h. Mais qu'est-ce que je lis là? C'est l'écran de veille? Mais c'est trop bien. Y'a quelqu'un? Mais c'est pas grave. Aïe! Je suis tombé par terre.